Rendez-vous tous les samedis maintenant de 19h à 21h. And it's killing me. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et tout comme la semaine dernière, on commence avec un extrait du prochain album de Verbal Delirium, la formation grecque qui va nous présenter à la fin du mois un quatrième album et qui s'intitule Canon Drum. Et puis on aura tout de suite après d'Italie. Ça, c'est leur premier album limité, Acque Sicure, album éponyme. Et puis Marc, après ça, mais on demeure en Italie avec une nouveauté. En effet, Michel, c'est la nouveauté de la formation Reale Accademia di Musica, qui avait été fondée en 1972 à Rome. Ils ont réalisé deux albums dans les années 70, dont leur premier éponyme, qui est leur plus connu. Ils se sont reformés ensuite en 2018, où ils ont fait paraître un album. Ce soir, on aura un extrait de leur nouvel album intitulé Lame di Luce. On aura la pièce Onde di Sabbia. Cet album-là va paraître le 18 novembre, donc cette semaine. Et ensuite, on aura un second extrait du nouvel album de Banda Belzoni, qui est un duo formé de Sandro Bellu et de Gigi Venegoni. Et sur ça, il y a comme guitariste Franco Musida, qui était dans PFM. On aura donc la pièce La Città della Luce. Également, à partir de 21h30, on aura un spécial de 60 minutes avec la formation américaine Glasshammer. Et ce sera Steve Babb qui sera avec nous pour nous parler de la trilogie des trois derniers albums qui sont parus, incluant leur plus récent At the Gate, qui est paru au mois d'octobre. Il y avait eu également Scatagrim Into the Breach en 2021 et Dreaming City en 2020. Donc ça sera à partir de 21h30 jusqu'à 22h30. Mais tout d'abord, on débute avec la nouveauté de Verbal Delirium. We'll be right back. Cerca dell'anima, ancora il silenzio, ascoltando il respiro dell'anima. Il nostro mondo è un attimo. che io sogno ci sei tu. Parli, mi guardi, sempre solo tu. Thank you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Séparés du monde, unis par les ondes. La chanson québécoise débarque dans la capitale nationale à l'Impérial Bell. Le temps d'une soirée avec Luc de la Rochelière le 26 novembre prochain. La route est longue. Découvrez l'enfance de celui dont la réputation n'est plus à faire grâce à son nouveau spectacle concept, Rhapsody Lavalloise. C'est souvent à 20 ans qu'on découvre le monde. Voyez Luc de la Rochelière en spectacle à l'Impérial Bell le 26 novembre. Tout le monde rêve à l'amour. Billets impérialbell.com. Car la vie est si fragile. Les journées raccourcissent. Avec le changement d'heure, ça va être le temps de vérifier mon avertisseur de fumée. Ça me rassure de voir comment un si petit appareil peut faire une si grande différence dans mon quotidien. Pour moi, mais aussi mes voisins. Mon quartier, notre sécurité. Pour en savoir plus, visitez leville.quebec.qc.ca/avertisseur-fumée. Le 19 novembre, l'autrice-compositrice-interprète Catherine Major s'arrêtera à l'Anglicane dans le cadre de la série Chansons, présentée par Hydro-Québec. Avec son complice Maximo Detal, Catherine Major recréera sur scène l'intégralité de l'album Carte Mère et sa musique pop relevée, offrant un mélange de prouesses techniques et d'émotions pures. Voyez Catherine Major le 19 novembre à l'Anglicane. Billets disponibles sur l'anglicane.com. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevues et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Tel que Marc l'a annoncé tantôt, bien, on a notre spécial sur la formation américaine Glasshammer, formation originaire du Tennessee, qui vient de lancer dernièrement un album qui a pour titre At the Gate. C'est un peu le prétexte et encore plus qu'une nouveauté, parce que c'est la conclusion d'une trilogie. Un premier disque est paru en 2020, Dreaming City, 2021 l'année suivante, Skallagrim Into the Breach, et la trilogie est complétée avec At the Gate, une trilogie qui marque pour le groupe un petit changement de direction musicale, dans le sens que leur progressif est métissé de hard rock et de heavy metal, un virage qui convient parfaitement au sujet de la trilogie, estime Steve Babb. Et parlant de Steve, ben écoutez, je lui laisse la parole, c'est lui qui va vous présenter les pièces du spécial Glasshammer. Hello to all of our fans and friends in Quebec. This is Steve Babb from Glasshammer. We've just wrapped up our album At the Gate, which is part three of our trilogy about this sword and sorcery character, Skallagrim. Of course, I wrote a book about him recently called Skallagrim and the Vales of Pegarna. The first album was called Dreaming City, and the first song I wrote for the album is called The Dreaming City. I was hoping to do something different with this song, something we hadn't done before, which was to allude to the space rock genre. For me, this meant blazing guitar solos drenched in echo, a relentless, crunchy rhythm section that just pounds away relentlessly, and distant, heavily affected vocals. It drops you right into the action of the story, the very first scene, which tells the tale of Skallagrim, the thief with the screaming sword. So welcome to the Dreaming City, where, as the lyrics tell us, we'll be lost in the maze of the City of Lies, where good men go when all their hope dies. We'll be right back. the diamond. Lonely World is a song that I wrote. It's somewhat inspired by early Camel recordings that I really loved, and maybe a little Alan Parsons. Nevertheless, John Beagley is a friend from the UK. We had just met him. He sang this track along with the track Terminus. He also sang on our recent album At the Gate. After that, you're going to hear The Key. Of course, this album is a lot heavier than any other Glasshammer album. That's intentional, of course. It was a sword and sorcery story. In my opinion, metal-infused prog rock was the way to go with a story like that, and The Key is no exception. Try to describe the world. Sellsword is track number 3 on the second album of the trilogy, Scaligram Into the Breach. And it probably came as quite a shock to people who were used to Glasshammer and our big symphonic pieces. Of course, there's a lot of metal on this album, but this one's particularly heavy. Hannah Pryor had just signed on to sing with Glasshammer, and we were amazed at her ability. She just has a powerful voice and really delivers on this song. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. What the world needs now is love, sweet love. What the world, what the world needs now, needs now is love, sweet love. What the world, what the world needs now is love, sweet love. See? That there's just too little love. But what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. La musique te passionne? Tu aimerais en apprendre davantage sur un instrument? Viens découvrir le Conservatoire de musique de Québec lors de sa journée porte ouverte le dimanche 13 novembre de 13h à 16h. Ateliers, récitals, essais d'instruments et rencontres avec nos professeurs. Plus de 20 spécialités enseignées, du primaire jusqu'au deuxième cycle universitaire. Les portes ouvertes du Conservatoire de musique du Québec, un rendez-vous musical à ne pas manquer le 13 novembre prochain. Cette année, la Rotonde, c'est 13 spectacles de danse présentés un peu partout en ville. C'est des expériences hautes en couleurs, émouvantes et surprenantes. C'est même deux squelettes, un Bernard l'Ermite, un laser et un quatuor à cordes. C'est aussi un service conseil pour aider à choisir ses spectacles. Cette année, osez la danse. Larotonde.qc.ca. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aînés, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita et on poursuit notre spécial sur la formation américaine Glasshammer et plus précisément sur la trilogie que le groupe a présentée ces dernières années, c'est Dreaming City en 2020, Skellagrim Into the Breach en 2021 et le tout récent At the Gate. Et je laisse la parole à Steve Babb. For fans of classic Glasshammer, steel is probably the most familiar sound. I believe it's a lot like early Glasshammer, and for a while there was some debate about whether we should even include it on this really heavy album. Nevertheless, it made it on the album, and I think, again, Hannah Pryor did a great job with it. It's a song written by Fred Schindel with lyrics by myself. We'll be right back. The Ogre of Archon is a track that I wrote, and while I've never claimed to be a great singer, sometimes it's important to me to give voice to the lyrics. Of course, it was written for a guy's vocals anyway, so I stepped up. I wanted to do something really raw with this track, so it is very raw. I didn't even tune the guitar on a couple of places. Nevertheless, I think it rocks. I hope you do too. The Ogre of Archon. All Alone, music by Fred Schindel, lyrics by me. Speaking of influences, which we do a lot in progressive rock, Black Sabbath is probably pretty obvious. But what you might not notice is Kiss. But even with those influences, this song goes in crazy places and ends up being a really progressive, proggy, jazzy track by the end. If you haven't seen the video for this song on YouTube, I think you'll have a lot of fun if you do. Check it out. Snowblind Girl might be one of the first songs, probably the first song I wrote for At the Gate. My intention was to do something like the song The Dreaming City or perhaps Into the Breach from the previous album, but no matter what I try to recreate, it always comes out like something different, and Snowblind Girl is definitely different. I had high hopes for this track to become a favorite on the album from the get-go, and I hope you enjoy it. We'll be right back. Hey, thank you, Michelle, for sharing Glasshammer with your listeners and for always being a big supporter of Glasshammer. And to your listeners, I'd like to say a big thank you for checking out our band. Hope you get a chance to listen to the entire albums. Again, the trilogy is Dreaming City, Skellagrim Into the Breach, and At the Gate. That's our Skellagrim trilogy. Thank you so much. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. L'Anglicane vous offre des spectacles inoubliables dans une salle au cachet unique. Musique, humour, théâtre et danse. Profitez d'une programmation riche et variée à quelques pas du traversier. Détails et billets au langlicane.com. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL. De retour à l'émission Terra Incognita, on remercie Steve Babb pour sa participation à ce spécial qui a été réalisé à l'occasion de la parution de leur plus récent album, At the Gate. Alors dans le prochain bloc musical, ce sera assez varié. On aura une formation de l'Espagne, Pervy Perkin, qui faisait paraître en 2014 leur premier album, Ink Book of Equinox, qui est un album double, et on écoutera les opening credits. C'est une pièce qui est instrumentale, très orchestrée, mais le reste de l'album, c'est beaucoup plus rock. Là, c'est une formation qui est considérée prog metal. On aura également la formation américaine Ecolin, qui faisait paraître en 2015 celui qui est leur plus récent album à ce jour, I Heard You Listening. On aura la pièce Messenger of All's Right. Ecolin travaille sur un nouvel album. Ça fait déjà un certain temps qu'ils enregistrent des nouvelles chansons, alors il y aura certainement un album qui viendra. Et on aura également la nouveauté de la formation T, The Earth Explorer, qui a été fondée en 2005. Ils ont 4 albums maintenant à leur actif, leur plus récent, l'excellent album Total Edge Effect. On aura la pièce Orbiter Mission, ça risque d'être un de mes coups de cœur. Puis un autre coup de cœur aussi, Michel, pour débuter le bloc musical, une formation italienne. Oui, la formation Phoenix Again, qui nous est arrivée tout dernièrement avec une belle surprise, le 5e album de cette formation italienne qui a pour titre Vision. Le groupe est actif depuis 2009-2010. Un premier album est paru en 2010, 3-4. Et puis par la suite, il y a eu Lookout en 2014, Unexplored en 2017 et Friends of Spirit 2019 et maintenant l'excellent Vision. Et on va écouter la pièce, la première pièce, celle qui ouvre, c'est Ouverture. We'll be right back. much took me by surprise. This time was visible, taller than the trees, reaching the sky. Till I hit again. There is one who would. Pour conclure l'émission ce soir, bien, on a un extrait d'un album de la Mascherà di Cera. Il s'agit de l'album Les Portées del Domani, un disque que Fabio Souvenzi avait composé dans la perspective d'offrir une suite au classique album de Lee Ormé, Felona e Sorona. Et tout comme Lee Ormé, ben, le disque a été réalisé en anglais et en italien. Et ce soir, ben, on écoute un extrait de la version italienne, donc les Portées del Domani. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 2 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Restez à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. Bonne nuit à l'écoute de CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Performance, littérature, musique électro. Retrouvez Ève Landry, Mathieu Arsenault et Mélodie Bugeaud-Henry qui brûlent les planches dans We Are Shining Forever à la recherche de l'entrée du royaume des morts. Un hommage éclaté et spectaculaire à l'autrice Vicky Gendreau. Un rendez-vous en art vivant à ne pas manquer du 16 au 26 novembre. Théâtre Périscope. La musique te passionne? Tu aimerais en apprendre davantage sur un instrument? Viens découvrir le Conservatoire de musique du Québec lors de sa journée porte ouverte le dimanche 13 novembre de 13h à 16h. Ateliers, récitals, essais d'instruments et rencontres avec nos professeurs. Plus de 20 spécialités enseignées du primaire jusqu'au deuxième cycle universitaire. Les portes ouvertes du Conservatoire de musique du Québec. Un rendez-vous musical à ne pas manquer le 13 novembre prochain. Tu ferais bien de descendre du poêle et de mettre la piole en ordre. C'est ton tour de passer le balai. Je vais pas faire le boulot pour les autres. Il y a la proprio qui va arriver et va te faire voir qui ça regarde. C'est mauvais pour moi de respirer la poussière. Mon organisme est intoxiqué par l'alcool. Et alors? Alors rien du tout. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Les Bas-fonds de Maxime Gorky. Une présentation du Conservatoire d'art dramatique de Québec dans une mise en scène de Hugues Frenette. En salle du 6 au 11 décembre. Pour plus d'informations ou pour acheter vos billets, consultez leconservatoire.gouv.qc.ca. La suite. C'est le progrès. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. CKRL. I can see clearly now the rain is gone. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. D'habitude, un samedi.